voulu la vie de Tony dans la rue, mais l'addition est salée. Ne joue pas les cours dans la street, tu te feras monter par un cadet. J'ai grandi dans l'illégal, au fond il ne faut jamais parler. La chatte de la petite est sale, mon lit sans le poisson salé. J'ai baigné au chantier du coq, on traînait dehors jusqu'à pas d'heure. Depuis que je connais le Glock, mes ennemis ont perdu de la valeur. Torse nu comme un mongol, on insultait les passants qui passaient. Le ciel gronde pendant la nuit, l'impression que le Seigneur est fâché. Mais comment ça personne ne part? Quand est-ce qu'on va manger notre part? Certains d'entre eux veulent pas nous voir. On me traite comme un putain d'esclave. Ma chérie me raconte pas tes salades, ce soir je vais te verser la maillot. J'ai dealé ma dope dans le coin, j'ai déployé mes ailes comme un charreau. T'as voulu la vie de Tony dans la rue, mais l'addition est salée. Ne joue pas les cours dans la street, tu te feras monter par un cadet. J'ai grandi dans l'illégal, au fond il ne faut jamais parler. La chatte de la petite est sale, mon lit sans le poisson salé. J'ai baigné au chantier du coq, on traînait dehors jusqu'à pas d'heure. Depuis que je connais le Glock, mes ennemis ont perdu de la valeur. Torse nu comme un mongol, on insultait les passants qui passaient. Le ciel gronde pendant la nuit, l'impression que le Seigneur est fâché. Ils ont dit demain c'est loin, mais on n'y croit même pas. Je vous emmerde, je suis au bord de la mer, j'allume mon Cohiba. Je reviens des Pays-Bas, j'augmente le PIB. On fait les bails et je baisse les prohibés. Le taf ça paye pas. Jamais. Higo, donne-moi la maille. Donne-moi le bail où je brise la vitre. Elle peut s'acheter des nouvelles fringues. Elle bosse pour nous sur Viva Street. À quoi bon on sert de jouer les dingues? On viendra te faire où tu habites. Un coup de fil, Ilias dans l'enveloppe. J'ai de quoi te faire enlever la vie. T'as voulu la vie de Tony dans la rue, mais l'addition est salée. Ne joue pas les gros dans la street, tu te feras monter par un cadet. J'ai grandi dans l'illégal, au fond il ne faut jamais parler. La chatte de la petite est sale, mon lit sans le poisson salé. J'ai baigné au chantier du coq, on traînait dehors jusqu'à pas d'heure. Depuis que je connais le Glock, mes ennemis ont perdu de la valeur. Torse nu comme un mongol, on insultait les passants qui passaient. Le ciel gronde pendant la nuit, l'impression que le Seigneur est fâché. Comme dans NWA, type attitude de la street, on tient les rênes. Comme dans NWA, type attitude de la street, on tient les rênes. Insulter les passants qui passaient. Le ciel gronde pendant la nuit, l'impression que le Seigneur est fâché.